Eh ben, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM, avec vous jusque 22h, oui. Scream pour l'émission Rive d'Enfer. Je fais un petit coucou à mes deux comparses, Sylval et le Slasher, qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais voilà, ils nous écoutent, j'en suis sûr et certain. Alors, aujourd'hui, au programme de l'émission, beaucoup de nouveautés, comme d'habitude. Et aussi, vers aux alentours de 20h15, l'interview des Chargottes en interview, donc Fauneur, bien entendu. Alors voilà, petit coucou à tous nos amis qui nous écoutent via la bande FM 95 FM, ou tout simplement aussi via le net rqc.be, ou aussi via Facebook. Là, bien entendu, notre indicatif, c'est comme d'habitude, le fameux Hit avec Downtown. Moi, j'aime vraiment bien. C'est pour ça que des fois je laisse un petit peu plus longtemps cette chanson, car je la kiffe vraiment vraiment top. Alors on démarre très fort avec donc je vous avais déjà présenté deux extraits de l'album qui s'appelle tout simplement To Vonemus Death. Il s'agit bien entendu de l'album de Cloak, et on va s'écouter Waiting, The Timeless Black. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est ici sur RQC 95 FM. Voilà, juste à l'instant, c'était Cloak avec Waiting the Time Black. Alors, comme je vous l'ai promis, on a Étienne du groupe Chargot. Bonsoir Étienne. Salut à toi. Tu vas bien ? Super, super. Voilà. Alors, ma première question, on va d'abord présenter un peu le groupe. Hein, de quelle ville êtes-vous déjà ? Alors, on est de Paris. Ouais, on sait, personne n'est parfait, mais ça arrive même à des gens bien. Voilà. Il n'y a pas de gêne du tout à être parisien. Au contraire, vous êtes bien là. Vous avez plein de concerts et tout, plein de cafés-concerts. C'est pas mal du tout d'ailleurs. Enfin, c'est sûr, pour moi, il y a du choix. Ça, c'est cool par contre. Voilà. Donc, vous êtes un groupe parisien et vous existez depuis combien de temps ? Alors, scéniquement, ça fait à peu près, ouais, d'ici 2 mois à peu près, ça fera 3 ans qu'on existe sur la scène. Mmh. Sinon, le projet a été fondé il y a à peu près 5 ans, en fait, voilà. Mmh. Il a bien fallu 2 ans de prépa pour pondre le premier album, bosser ça, et se dire, là, c'est bon, ok, on a assez bossé, on peut commencer à se produire en live, voilà. Enfin, bon, du moins, c'est pour que ça ressemble à quelque chose... déjà d'un minimum satisfaisant. Mais bon, on n'a jamais fini de bosser, voilà. Ben c'est bien, vous êtes des bosseurs, et voilà, quand on bosse, ben on est toujours récompensé, d'une manière ou d'une autre. Pareil, j'ai eu vent de cette théorie, mais on ne sait jamais, au cas où, on est là pour les vérifier. Alors, ma première question est un peu bête, hein. J'ai été chercher un peu sur les réseaux sociaux, des traducteurs somaliens, n'importe quoi. Que signifie Chargot ? Alors là, tu pouvais chercher autant que tu voulais, t'aurais pas trouvé de toute façon. N'empêche que c'est un mot somalien, je peux juste te dire ça. Mais qui dit Chargot ? Ah, alors là, pour le coup, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Mais ça veut dire Chargot. Hein. De quoi ? Ça ne signifie que Chargot, donc je sais toujours pas ce que ça veut dire. Hein. D'accord, ok, très bien. Bah. Mmh. En gros, Chargot signifie celui qui apporte le chaos. Et en fait, ça vient d'un vieux jeu de runes, en fait. Donc je te tairai le nom, j'aime bien que les gens un petit peu creusent pour chercher, et voilà, c'est un assemblage de runes diverses et variées qui vient d'un jeu de rôle et qui m'a permis d'assembler ce nom qui existe depuis très longtemps, et du coup je l'ai conservé pour le nom du groupe, je me suis dit que ça convenait très bien. À mon avis, donc si tu joues au jeu de rôle, bon, on peut peut-être essayer du Warhammer ou du Donjon et Dragon, pourquoi pas. c'est sur la bonne piste. Voilà. Donc, on peut classifier un peu votre musique indus, avec un chant groll des fois et tout. Et franchement, ça m'a très interpellé quand j'ai écouté. J'ai pris vraiment une claque. Comment dire, indus, ouais, effectivement, c'est clair qu'on est de la famille d'indus. Mais ce qui est assez drôle, en fait, c'est que chaque personne a un petit peu sa propre définition de ce qu'on fait. C'est ça qui me surprend à chaque fois. Il y en a qui nous classifient dans l'électropunk, d'autres dans le metal indus, d'autres dans le gothique carrément, d'autres plus proches de la branche punk, mais à chaque fois, bon, bah, je suis assez surpris de ce que les gens arrivent à trouver dedans, et au final j'en suis très satisfait, je vais créer quelque chose d'hybride, et visiblement, bon, bah, il se trouve que ça fonctionne, enfin je crois. Et je crois savoir, si j'ai bien étudié mes leçons, Étienne, tu es chanteur. Exactement. Il y a un truc qui m'a... Le compositeur de ce machin. De ce machin qui est très bien d'ailleurs. Hein. Le pays qui s'appelle Break Your Body, je tiens à le rappeler. Franchement, un truc qui m'a vraiment interpellé aussi, je suis un vieux de la vieille, on va dire ça comme ça, donc j'écoute énormément de Zik. Hein. Et des fois, il y a des tonalités dans ta voix qui me fait penser un petit peu, bon, je peux peut-être me tromper, hein, tu peux me mettre une gifle si je me trompe, un peu à David Bowie. À qui ça, excuse-moi, ça a coupé ? Hein ? Ça a coupé, excuse-moi, c'est dit à qui ? Un peu à David Bowie, dans certaines intonations de voix. À David Bowie, ah tiens, ça c'est intéressant, on me l'avait jamais dit, mais bon, c'est pas une mauvaise référence. Hein. Oui. c'était pas l'idée. Non, mais... Écoute, j'en prends note, parce que je vais confesser un truc, ouais, je vais confesser. Je ne suis pas spécialement un grand fan de Bowie, effectivement, je reconnais le travail et le génie du bonhomme, mais je dois avouer que ce n'est pas quelque chose qui rentre dans mes influences, pourtant. Mais c'est parce que je l'ai fait remarquer des amis qui ont écouté, et ils m'ont dit, ah bah oui, il y a quand même des petites choses, bon c'est peut-être pas voulu, hein. À mon avis c'est pas voulu, mais voilà quoi. Alors, je veux dire, peut-être qu'on peut peut-être retrouver un lien facile, parce que quand j'étais ado, j'étais peut-être effectivement assez influencé par Manson, qui lui-même était influencé par Bowie. Donc, ouais, bah, peut-être que toutes ces choses-là se recoupent un petit peu au final. Ouais. Il va y avoir de ça. Justement, pourquoi qu'est-ce qui vous a influencé justement à faire de la musique? Et en plus de ça, surtout parce que malheureusement je vous ai raté à Tourcoing, un jeu de scène, il y a une mise en scène, il y a carrément, on va dire comme ça, une préparation scénique. Pourquoi ce choix? Alors, déjà pour ce qui m'a motivé à faire ce genre de choses, c'est tout simplement parce que je n'arrivais pas, moi, à trouver en tant que public quelque chose qui me satisfasse réellement. Alors, s'il y a quand même 2-3 groupes où, franchement, à chaque fois, j'ai pris une baffe, comme Punish Yourself, par exemple, mm-hmm. des trucs comme Rammstein, Rob Zombie, avec une vraie mise en scène, un vrai univers derrière. Et quelque chose, ça, c'est quelque chose qui me fait décoller, quoi, à chaque fois. Pour moi, ce genre de musique, en particulier une musique un peu électronique, un peu métal, 50% de la chose en fait vient de l'univers scénique et 50% vient de la musique. À mon avis, Chargotte n'aurait absolument pas du tout le même rendu si on venait jouer en tenue civile sur scène. Je pense que ce serait largement moins intéressant. Mmh. Voilà, donc moi je me suis posé la question en tant que public, qu'est-ce que j'aimerais bien voir en fait sur scène que je ne retrouve pas. Donc j'ai commencé à faire une liste de trucs, j'ai cherché, j'ai fait putain, mais en fait, je trouve personne qui fait ça. Et si, j'ai essayé de le faire, en fait, pour voir. Allez, essayons. Mm-hmm. 5 ans plus tard, on en est là. Bah, c'est bien, hein, parce que j'ai vu des photos, vous êtes carrément maquillé et tout. Ça vous demande beaucoup de temps, quand même, pour vous préparer, justement, avant de monter sur scène. C'est long, c'est chiant, surtout à faire partir, en fait, parce que le truc qu'on utilise, c'est de la peinture grasse. Donc une fois que tu as bien transpiré, bien pris la chaleur des projecteurs, ça reste bien incrusté. Une semaine après, tu te regardes dans la glace et putain, merde, il y en a encore un coin de l'oreille ici, je l'avais pas vu. Mm-hmm. Donc on s'emmerde pas mal avec ça, mais quand on voit le résultat, les photos, les vidéos, à quel point les gens sont contents, c'est ok, on a peut-être raison de s'emmerder quand même, parce que c'est plutôt chouette de partager tout ça avec le public et avec les photographes qui ont l'air de bien s'amuser avec eux. Avec ce genre d'univers. Donc on n'est pas prêt d'arrêter, et je crois que la peinture noire, à mon avis, on n'arrêtera jamais. D'accord. Malheureusement pour mon pressing. C'est pas très grave, je porte que du noir. Donc, bon, ça va, quoi. C'est bien réglé. Mm-hmm. Justement, donc Chargotte, tu m'as avoué un petit quelque chose, un peu d'influence jeu de rôle et tout ça. Est-ce que justement, dans les paroles ou quoi, est-ce que c'est toi ou tout le groupe qui avait son mot à dire pour les paroles, notamment, ou est-ce que vous aspirez aussi de cet univers? Alors, en fait, il se trouve que j'écris l'intégralité d'un univers cyberpunk qui va avec le groupe. En fait, l'univers du personnage Chargotte est un espèce de monde parallèle dystopique. Voilà, donc j'ai créé autour de ça toute une mythologie, toute une histoire, et en fait, la personne qui chante, ce n'est pas moi, c'est effectivement le personnage du Chargotte qui raconte un petit peu ce qui se passe dans sa vie, comment il voit le monde, traverse son existence de personnage, d'expérience scientifique ratée, quoi. D'accord. Donc il y a tout un univers que j'ai créé là-dedans, et auquel mes petits camarades ont apporté leur grain de sel. Du coup, il n'y a quasiment aucune référence dans les textes ou autres au monde actuel dans lequel nous évoluons ici, nous, personnages réels, comme toi et moi. Voilà. Est-ce que tous les mondes, tous les musicos qui sont avec donc le groupe, est-ce que vous avez tous un nom différent de scène? Oui, on a tous un nom différent, et en fait, ça fait partie d'un rituel à rentrer dans un autre personnage. Parce que bon, une fois qu'on est peint et tout ça, il faut pouvoir se donner une nouvelle identité afin de laisser au vestiaire la personne que nous sommes dans la vie de tous les jours, et de pouvoir endosser la personnalité de chacun des personnages scéniques, quoi. Mmh. Par exemple, le type qu'on a sur scène et qui passe son temps à se faire tabasser, il ne passe pas la journée à se faire tabasser dans la vie de tous les jours. J'espère. J'espère. Je ne connais pas tous les aspects de sa vie non plus, mais je pense que non. Sinon, il serait littéralement fauteuil roulant, le pauvre. Et justement, là c'est un EP, il y a un album qui est sûrement en préparation. Exactement. Et justement, est-ce qu'on pourra dire que l'album qui va sortir, si tu as déjà une date, c'est impeccable, hein? Pas encore, là je pense que c'est un petit peu tôt pour m'avancer, je sais que ce sera au début de l'année prochaine, mais quand exactement, je ne peux pas trop te dire, on travaille dessus, et j'ai pas envie de me fixer une deadline et de sortir. D'accord. Un produit à moitié fini, mal fait, etc. Mmh. Et tant que ce soit satisfaisant pour tout le monde. Et est-ce que ce sera éventuellement un album concept, et si oui, quel fil conducteur il y aura? Alors, ben c'est dans... De toute façon, tous les albums de Charlie Goth sont quelque part des albums concept. En fait, c'est différentes étapes de la vie du personnage. Là, dans le deuxième album, grosso modo, on est sur une période de la vie du Charlie Goth où il a pris énormément d'ampleur en fait dans les bas-fonds de la ville, et ça commence à virer progressivement en véritable guerre civile. Donc c'est un album particulièrement bien plus violent, bien plus sombre et bien plus agressif que le premier, qui était plus festif, peut-être plus joyeux. Mmh. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus dur et de plus agressif. Et je pense que ça va se ressentir vachement au niveau du son et au niveau des mix aussi. D'accord. On va parler un petit peu, parce que moi je trouve que l'artwork de l'EP, elle est vraiment magnifique. Et franchement, c'est une super belle pochette. Hein. Je dirais ça à l'artiste, elle est juste à côté de moi. Tiens. Félicitations à l'artiste s'il nous écoute. Hein. Justement, est-ce qu'on peut un peu en parler de cette pochette? Alors, la pochette, je lui laisserai bien dire deux mots à elle, mais elle déteste les interviews. D'accord. À sa place. Oh, c'est ni plus ni moins en fait qu'une... une petite scénette en fait de ce qui se passe tranquillement dans les souterrains du Charlotte, en train de bidouiller à son tour divers expériences scientifiques et de frapper sa victime préférée, quoi. Je pense qu'on est complètement dans le ton et raccord avec la gueule que je veux donner au prochain album, quoi. D'accord. Violence gratuite pour tous. Voilà. Le Chargotte qui pourrait aussi, par exemple, aussi bien figurer avec une sortie d'album, avec un superbe méga livret, par exemple, avec une petite BD. Quand je vois commencer à dessiner. On y a songé, justement. On y a songé. La seule chose qui nous arrête pour le moment, c'est le coup. Parce que oui. Il y a des idées, on en a plein. Mais bon, à un moment, quand tu regardes le porte-monnaie, c'est ce sera réalisable, mais pas tout de suite. Mais on y pense, parce que ça fait longtemps déjà qu'elle et moi, on collabore. Mmh. Elle, je parle de Lian, voilà. Ouais, quand même la nommer, ce serait pas mal. Oui. Et on a, bon, effectivement, elle a déjà songé à prolonger la collaboration, déjà pour tout ce qui est merchandising, les t-shirts et tout ça, c'est elle qui les fait. Et tout ce qu'on peut pas faire au niveau vidéo, parce que ça coûte trop cher, je pense qu'on finira bien par sortir une BD de ça, quoi, pour essayer de davantage détailler l'univers, parce qu'il y a encore pas mal de zones d'ombre qui sont un peu difficiles à cerner, je pense, pour le public, parce que tu peux pas tout faire passer avec un ou deux clips vidéo et quelques chansons. Mmh. On va essayer de détailler ça prochainement, et quand on aura de l'argent. Ah bah oui, c'est le nerf de la guerre. Oh oui. Là, tu parlais justement de clip vidéo. Est-ce qu'il y a un clip qui est déjà fait pour Breaking Your Body ou qui est en préparation? Alors, il est en préparation, ça y est, on a fini de le filmer. Ça s'est pas fait sans douleur. On a à peu près expérimenté toutes les stratosphères de la souffrance à travers ce clip. C'était fabuleux. On s'est retrouvé à se baigner dans de l'eau glacée en mi-automne, pour pouvoir filmer des plans sous l'eau, autrement dit, on a frôlé la crise d'hypothermie. On a fini par tourner à peu près avec 39 de fièvre en un endroit chauffé à 37 degrés. Enfin bon. D'accord. C'était beau, mais les images sont vraiment satisfaisantes, donc on dit qu'on n'a pas à souffert pour rien. Mmh. Voilà. Ça, maintenant, on est maintenant en phase de post-production, on est dans le montage, les effets spéciaux, etc., etc. Mmh. Je pense que ça sortira, à mon avis, courant janvier, février 2018. Voilà. Oui. Donc là, vous avez commencé déjà à tourner. Vous êtes venu à Tourcoing il y a maintenant une bonne quinzaine de jours. Hein. Exact. Est-ce que vous comptez revenir un peu dans la région, tourner aussi en Belgique, ou vous allez plus vous centraliser sur l'album et peut-être préparer éventuellement des cartes de visite pour des festoches? Alors bah déjà en fait on se prend 3 petits mois de pause histoire de bien travailler pour notre rentrée là. Donc, il y a pas mal de nouveaux titres qu'on va intégrer. Donc je veux déjà qu'on solidifie les bases et qu'on commence un petit peu à changer la setlist et qu'elle soit plus axée sur le nouvel album. Donc il y aura pas mal de petites surprises. Donc j'ai pas envie qu'on fasse ça à l'arrache avec on commence à travailler et puis il y a un concert en 2 semaines, puis on recommence à travailler. Ah ben en fait il y en a encore 2 autres ensuite. Je veux vraiment qu'on prenne le temps de se poser, qu'on réfléchisse et qu'on puisse revenir avec un produit au moins du moins satisfaisant, quoi, un produit de qualité. J'ai pas envie de se foutre de la gueule du monde, voilà, en présentant la même chose. Et pour ce qui est des tournées, ben, nous on demande qu'à revenir dans la région, c'est sûr. Oui. Maintenant, qui veut de nous, levez la main, on vous attend. Et on va essayer de revenir du côté de la Belgique, normalement, vers mars-avril. Alors on va annoncer ça prochainement, on a une date. Mais ça devrait venir bientôt. Là, c'est en cours de négociation, on a quasiment fini. On va signer les contrats, on vous annoncera ça très prochainement. Ah ben ça, je n'y manquerai pas, parce que déjà, quand malheureusement, on a repris trop tard. Mais voilà, en plus, ça me fera un plaisir de te rencontrer en... maquillé ou pas, quoi. Voilà. Plaisir partagé, mais sache que si tu me rencontres maquillé, tu repartiras forcément avec un souvenir. Oui. Je te préviens, ça tâche. Voilà. Donc justement, il y a un clip qui est en préparation. Avec qui éventuellement le groupe aimerait bien tourner, ouvrir pour quel groupe? Par exemple, tu me parlais tout à l'heure de Rob Zombie, des choses comme ça. Avec qui ton rêve de pouvoir ouvrir éventuellement? Alors, bon, déjà dans la série Rêve, qu'on a déjà un peu fait, il y a quand même Punisher/Self, on a déjà tourné quelques fois avec eux, et oui. Je pense que c'était un peu un rêve d'ado. Voilà, parce que du coup, j'ai découvert avant, et putain, ce qu'ils font, ça défonce. Et maintenant, on s'est retrouvés à jouer en première partie 2, donc c'est plutôt chouette. Oui. Mais ouais, bah, après, il y a encore quelques artistes avec qui on aimerait vraiment bien faire quelques dates pour s'amuser, du genre Combi Christ, par exemple. Et puis bon, délirons, hein, soyons fous, Rob Zombie ou Rammstein, hein, mais bon, ça. Ouais, mais pourquoi pas. Je pense que ce sera pas pour tout de suite, mais bon, hein, c'est des objectifs. Oui. Donc on a parlé un peu de la pochette, on a parlé... Est-ce que tu pourrais un peu me parler, parce qu'on a parlé un petit peu hors antenne tout à l'heure, du titre que tu as choisi tout à l'heure, qu'on passera, hein, qui s'appelle Break Your Body, donc le titre éponyme de l'EP. Qu'est-ce que ça raconte exactement? Alors, celui-là a une signification bien précise, justement. C'est un message particulièrement haineux du Chargot envers ses créateurs. Et le Chargot, donc en fait, était humain avant de devenir ce qu'il est, et sa mémoire est quasiment complètement effacée. Il n'a que quelques souvenirs de ci, de là, du moment de sa création, et juste avant sa création, genre quelques secondes avant. Donc c'est une espèce de... comment dire, de message pour dire « je ne suis pas content du tout, et si je vous retrouve, bah, on va vous retrouver éparpillés façon puzzle ». Voilà. Mmh. Wow. Donc c'est fait sur fond de musique festive. Je suis en train, parce que là, tu es en train de me faire rêver un petit peu, parce que j'aime bien tout ce qui est un peu fantastique et tout ça. Et je dis, putain, il y aurait vraiment moyen de tirer même une BD, ou pourquoi même pas une mini-série. Hein. Ça, on y a pensé aussi, mais... D'accord. Voilà. Pourquoi pas contacter Netflix? Enfin, là, je rigole, mais pourquoi pas, qui sait? Ah bah oui, allez. Justement, les gars, on a un truc à vous présenter. Ça, non. Un groupe comme de votre acabit, est-ce que c'est pas un peu difficile des fois de tourner des choses comme ça en sachant que... Alors, si c'est compliqué, parce que justement on a quand même on a pas mal de déco, on a pas mal de frais, on est nombreux et on veut offrir vraiment quelque chose de correct en tout cas. On veut vraiment donner le meilleur de nous. Et du coup, forcément, toutes ces choses-là ont un prix. Et comme on est quand même relativement jeune, les gens ne nous acceptent pas forcément partout. Ils disent, attends, ça a l'air bien, mais on ne sait pas si ça va rapporter, ta, ta, ta. Et souvent, en fait, ceux qui osent, bah, ont souvent la bonne surprise que bah, si, finalement, du monde est venu. Et ça se passe très bien, et on revient finalement. Mm-hmm. Mais quand les gens voient souvent l'étiquette métal indus, ces grosses structures, au départ, ils ont un peu peur, quoi. Ils sont un peu frileux, programmés, et puis bah, ceux qui nous ont programmés, au final, étaient très contents. Mm-hmm. Donc, osez, on est sympa, en plus, on ne mord pas, les gars. Ouais. Mais justement, que tu parles, justement, quand les gens voient métal indus, ils osent pas tellement, il y a une réticence. Est-ce que tu crois que. Pas qu'éventuellement ça a été un peu donné malheureusement à cause de certains médias qui à l'époque où Manson faisait vraiment de l'indus, parce que bon maintenant c'est pas tellement ça malheureusement. C'est plus trop ça, ça a pas mal changé, faut bien l'avouer. Et justement, est-ce que tu crois pas que ça a un peu joué en votre défaveur? Les gens se disent, ben voilà, on a des nouveaux Manson, c'est des jeunes, ils ne savent pas, ils ne savent peut-être pas se retenir sur scène et on va avoir droit à un Manson numéro 2 quoi. Oui, bah en fait, on a souvent entendu un peu ce genre de truc, effectivement. Mais bon, bah, c'est des Manson-like ou des Rammstein-like, et puis bah voilà, quoi, ça va être des copies de copies. Sauf que, bah, non, je pense qu'on a autre chose à faire que juste de la copie, quoi. On a accès à quelque chose de tout à fait différent. On est effectivement inspiré par ces choses-là, certes, je ne m'en cache pas. Mais, de là à catégoriser immédiatement de Manson-like toutes les personnes faisant l'indus, je pense que là, c'est particulièrement réducteur. Mmh. Et bon, ben, quand tu regardes, pourtant, dans certains pays, il y a pas mal de choses qui se font en indus, mais qui souvent restent cachées. Et on a quand même quelques beaux projets hein, qui existent ici, en France, et que beaucoup de gens ignorent complètement l'existence. Est-ce qu'il y a, ma dernière question, puis je vous laisserai tranquille, est-ce qu'il y a peut-être une chance de peut-être vous voir sur un festival comme le Hellfest? Ah bah... est-ce que c'est... On aimerait beaucoup, d'ailleurs même pour une ouverture de la Warzone à 10h, on ne dira absolument pas non du tout. D'ailleurs, je ne me vois pas jouer ailleurs qu'à la Warzone pour le Hellfest, rien qu'avec la gueule de la scène, c'est tout à fait raccord avec notre univers. Le truc avec les gros miradeurs rouillés et les barbelés, ça, c'est raccord avec l'esprit Chargotte. Voilà, mais on a d'ailleurs des structures barbelées sur scène aussi. Ça fait un bon rappel. Ben voilà, mais, bon, il faut espérer. C'est un bon plaisir, c'est un objectif en tout cas, c'est un objectif. D'accord. Bien. Attends, un de ces quatre, on pas trop longtemps quand même, ce serait chouette. Hein. Ouais, il faut pas non plus que le Chargotte soit pensionné, quoi. De toute façon, je crois qu'ils ont déjà fait leur progrès hein, pour l'année prochaine. On ne sait jamais. Hein. Voilà, on va croiser. Sait-on les... jamais. Mais nous, il y a aussi le jeudi. Hein. Il y a aussi le jeudi hein, pour une ouverture. Hein. Oui, très exact. Voilà, donc. Voilà. Dès le jeudi. Oui, donc là je vais te laisser, je vais juste te laisser le mot de la fin pour les auditeurs, sachant aussi qu'on va réaliser un concours grâce à vous et à Roger Vézier, qui nous a envoyé des galettes hein, à faire remporter. Tout à l'heure je poserai une question hein, qui aura rapport avec le groupe fatalement, hein. Et je vais te laisser le mot de la fin pour nos auditeurs auditrices. Le mot de la fin, je suis toujours très mauvais à ce petit jeu-là. Tu veux pas m'aiguiller ou autre, c'est là, sinon je vais partir en vrille. Bah, vas-y, vends le groupe, vends le EP, je sais pas, tu m'as parlé qu'il y avait d'autres albums aussi. Justement, essaye de demander au public d'aller puiser un peu dans votre biographie, qui doit être riche d'ailleurs. Non, bah, en tout cas, il y a le premier album qui existe et qui est ce qui est à l'heure actuelle, mais qui... Donc on est quand même plutôt pas mécontent. Alors maintenant, si t'as envie de te faire un peu plus de mal aux oreilles, tu prends l'EP et là, tu pourras faire taire l'intégralité de ton voisinage qui te réveille tous les matins avec du Jules. Voilà. Voilà. Donc, c'est un bon ferme-gueule, on va dire. Voilà. Et ben, je te remercie beaucoup, Étienne. Et moi, j'espère te voir prochainement. De toute façon, je t'enverrai le podcast comme convenu. Et dès que t'as une date, ben, tu pourras le dire pour Rive d'Enfer. Et on se fera un plaisir d'aller vous voir. Yes, bah écoute, avec grand plaisir, et puis bah, je te dis merci pour ce petit moment, et puis à la prochaine. Voilà, nous on va s'écouter donc Break Your Body, un titre que tu as choisi, d'accord? Yes. Allez, ciao! Oui! Voilà, une véritable bombe, cette EP qui s'appelle Break Your Body. Le titre éponyme aussi, hein, on vient de s'écouter, Chargotte. Donc, on a eu une interview, donc Étienne, on le remercie gentiment. D'ici une petite dizaine de minutes, une petite question pour le concours pour remporter ce EP qui déboîte, qui tue, quoi. Voilà, qui tue, il n'y a que ce mot-là à dire, quoi. Alors, avant ça, on va s'écouter la Slasher Song. Aujourd'hui, ben, le Slasher, il a choisi un titre de Serenity avec United. Voilà, c'est son choix. C'est le Slasher qui a choisi ça. Et c'est parti pour la Slasher Song de ce lundi. Alors, c'est le Slasher sur RQC 95 FM sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma Slasher Song. Voilà, donc c'était Serenity avec United, c'était le choix du slasher. On poursuit avec une petite nouveauté encore, on remercie Ellie Production, donc qui nous a, Ellie Promotion, pardon, qui nous a envoyé le nouveau Kera, l'album s'appelle Hysteresis, et on va s'écouter Harbinger of Doom. Bien rageur comme ça, le Kera, l'album s'appelle Hysteresis. Voilà, donc on leur fait un petit coucou à Flo et toute la bande, et merci à Ellie Promotion. Donc, et on s'écoutait Harbinger of Doom. On poursuit avec Volemus Maximus avec Spielboom, mais juste avant, donc on a eu tout à l'heure Étienne des Chargottes, de Chargottes en interview. La question pour remporter des EP des EP de Break Your Body, qui est vraiment une tuerie si vous aimez ce genre de zik. Eh ben, tout simplement, c'est avec quoi ils se sont inspirés de ce nom Chargottes. Voilà. Donc vous résumez ça avec une petite ligne et vous m'envoyez ça. Vous avez jusque vendredi sur le Facebook, le mail Riff d'enfer. Donc riffdenfer.rqc@gmail.com. riffdenfer.rqc@gmail.com. On continue avec Volemus Maximus avec Spillboom. L'album s'appelle No Running. Yeah. Voilà, donc c'était Vonemus Maximus avec Spielbaum. Le prochain qu'on va s'écouter, c'est une exclue. Voilà, c'est le nouveau Michael Schenker. Et voilà, ben, il s'appelle plus Michael Schenker Temple et tout ça. Maintenant, il a encore changé de nom. Voilà, c'est du Michael Schenker. Hein. Et maintenant, il s'appelle tout simplement Michael Schenker Fest. Michael Schenker Fest. Et là, il nous revient avec un nouveau titre qui s'appelle tout simplement Warrior. J'en profite aussi pour faire un petit coucou à tous nos amis qui nous écoutent, soit par la bande FM, sur le 95 FM, 95 FM, sur RQC bien entendu, ou alors sur rqc.be via le net, ou tout simplement via Facebook en nous regardant. Et voilà, ciao ciao, un petit coucou à tout le monde, voilà, j'en profite d'un coucou. Et bien entendu, je fais un coucou à mes collègues Sylval et le Slasher. Là, on y va, c'est parti, on va s'écouter donc le nouveau Michael Schenker, une bonne petite claque, et on attend aussi une tournée avec donc Michael Schenker, Michael Schenker Fest. Are you Voilà, donc c'était le nouveau Michael Schenker, et il ne s'appelle plus Michael Schenker Group, ni Michael Schenker Temple, tout simplement, maintenant, c'est Michael Schenker Fest, et le titre c'était Warrior, et comme vous avez pu le découvrir, voilà, c'est un titre très chantant, et à mon avis, ça va vraiment reprendre en cœur lors des tournées, cette chanson. Franchement, un très très bon titre de Michael Schenker. Voilà. Il est temps de passer à la balade crapuleuse. Et aujourd'hui, ben, je vais pas y chercher loin. Hein, tout simplement, j'ai pris un John Bon Jovi, extrait de l'album Keep the Faith, et j'ai choisi tout simplement Bed of Roses, donc de Bon Jovi. C'est le choix de la balade crapuleuse de ce lundi, les amis. Oh Mindy. Oh John. Ce slow est pour toi. Ce titre. Oui. C'est la balade. La balade crapuleuse. Oh, Now as you close your eyes, know I'll be thinking about you. While my mistress, she calls me to stand in her spotlight again. Tonight, I won't be alone. To know that don't mean I'm not lonely. I got nothing to prove for you that I died a different. Voilà, donc c'était la balade crapuleuse de ce lundi avec donc Bon Jovi, extrait d'album Keep the Faith avec Bed of Roses. Voilà, donc nous maintenant on va redémarrer, on va un peu se réveiller. Voilà, après une superbe balade. Hein. N'oubliez pas, donc il y aura le concours aussi pour les chargottes. Je vais rappeler la question qui est toute simple. Vous répondez avec une petite phrase pour expliquer sur le mail de Riff d'enfer, riffdenfer.rqc@gmail.com, donc riffdenfer.rqc@gmail.com, tout simplement comment ils ont trouvé le nom Chargotte, voilà, expliquer en quelques mots comment ils ont trouvé Chargotte, et vous envoyez ça, et on tirera au sort, vous avez jusque vendredi pour remporter ces Uppy. Alors, on continue avec Ectoplasma, avec Interested in Blood. Like a dead, dying cold, soft in blood. Voilà, donc il fallait bien se réveiller un petit peu avec Ectoplasma, avec Interested in Blood. Alors, on va continuer avec Pagan Altar, avec The Portrait of Dorian Gray. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est ici sur RQC, 95 FM. Thank you. Pagam Altar avec The Portrait of Dorian Gray. Le Juggernaut avec Eye for an Eye. C'est tout de suite, c'est maintenant. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM, les amis. Et on a un petit message pour vous. Hello, here's Ronan Grapper from Masterplan. And you're listening to Radio RQC 95 FM. Riff don't fare. The Scream! Hi, this is Uli John Roth. You're listening to Rive d'Enfer at 95 FM. Salut, this is Fernando from Moonspell, and you are together with me on Rive d'Enfer. Rock on! L'album s'appelle Out of the Ash. Le groupe c'est Juggernaut et c'était Eyes for an Eye. Franchement, c'est vraiment canon, ça bétonne de chez bétonne. Là, il est l'heure de passer, même si elle n'est pas là, elle nous a programmé sa Sylval Song et on va la jouer. Elle a choisi Fabio Leone, donc Fabio Leone qui s'est associé avec Conti pour le titre Ascension. Et on va s'écouter donc la Sylval Song de ce lundi. Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylval Song. We'll be right back. Voilà, donc c'était la Silver Song de ce lundi avec Leon et Conti avec Ascension. La suite, eh ben, c'est le groupe Z avec Sweet Fruit, avec l'album qui s'appelle tout simplement No Loose Behavior. It's been a long time since I'm in the game. Gotta now and stop seeking for brain. I know there are no saints in this land. Gotta be part of it to be on a man. Can someone tell me where's the sweet fruit? I just wanna find the sweet fruit. Can you give me a taste of your sweet fruit if need be? I'm a killer big fruit. Tell your mama I used to shout through hills and towns to find the one. Please tell me I got a disease running away. From love on the screen, you're a freak of nature. You can't rule the world, but you can't rule me first. My mind is getting swirled. Can someone tell me where's the sweet fruit? I just wanna find the sweet fruit. Can you give me a taste of your sweet fruit? If me you pay. Bien entendu, c'est le groupe Z. Franchement, Z vraiment pas mal. Non, c'est vraiment génial. Alors, donc je rappelle, un concours pour remporter donc des EP de Chargod. Tout simplement, vous envoyez un mail sur le mail riffdenfer.rqc@gmail.com, riffdenfer.rqc@gmail.com, en nous expliquant comment ils ont trouvé ce nom de groupe, ce nom de scène aussi, les Chargod. Alors, je vais juste vous rappeler aussi, on est au mois de décembre, et comme chaque année, Riff d'Enfer va faire son... sa hôte du Père Noël, Et à cette occasion, ben, on aura des, vous aurez l'occasion de rafler des CD, des EP, des EP, des singles, bien entendu, en jouant tout simplement sur la grille, la hotte du Père Noël. Et pour vous donner le feu vert, comme chaque année, on a le petit jingle, ce que je vais vous refaire écouter une fois, et ça commencera à partir de la semaine prochaine. Quand vous entendrez ce jingle, ben, vous pourrez nous téléphoner, on vous donnera le numéro de téléphone à partir de lundi, et la personne qui téléphonera donnera un numéro et remportera ce qu'il y a sous ce numéro. Donc le jingle, ce sera tout simplement, comme d'habitude, celui-ci, les amis. Voilà, donc quand vous entendrez ce jingle à partir de la semaine prochaine, ce sera joué à environ 3 ou 4 fois durant les 2 heures d'émission, ben, vous pourrez remporter en donnant un numéro, bien entendu, de la grille, et on découvrira ce qu'il y a en dessous pour remporter ce single, ce EP ou l'album, bien entendu. On poursuit avec Diablo Boulevard avec Demonines. play my eternal soul to rest. Voilà. In your demon eyes. Le titre est dit Demonize et c'est bien entendu le groupe Diablo Boulevard, formation belge, franchement qui est vraiment superbe et des gens super charmants. Sonic Prophecy avec Night Terror, c'est tout de suite, c'est maintenant. L'album s'appelle Savage Gods. Donc je vous rappelle, la semaine prochaine on commence la Haute du Père Noël où il y a plein de CD, des EP, des singles à rafler. Et n'oubliez pas le concours des chargottes pour remporter donc ce EP. La question est toute simple, hein, comment ils ont trouvé ce nom de groupe? Vous envoyez tout simplement votre réponse sur le mail riffdenfer.rqc@gmail.com. Vous avez jusque vendredi pour jouer pour les chargottes. Alors on continue sur RQC 95 FM avec Sonic Prophecy. Sonic Prophecy Night Terror. Le titre suivant, Grand Royal avec Break Light. Voilà, donc c'était Grand Royal avec Break Light. Le prochain, on va passer un peu à la catégorie un peu blues avec Year Blues, une compile avec Killing the Dragon Platypus, avec entre autres en invité Fetus qui est un des membres, bien entendu, comme vous le connaissez, d'Ultra Vomit. C'est parti! Aquatic and layer, my mind on damage to withstand this trial. An unusual appearance, overplay and appear. Thank you. Voilà, donc c'était Ye Blues avec Killing the Dragon Platypus, avec en invité ben, Fetus, membre de Ultra Vomit. Ça s'entend d'ailleurs, on l'a même entendu un peu délirer comme à son habitude. Avant-dernier titre, Creon Tether avec Tyrant of the Western Land, extrait de l'album Into War Hell. I'm Voilà, Crune Tator, Tyrone of the Western's Land. Alors nous, c'est le voilà, c'est l'heure de se dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine avec Sylval et le Slasher. Et on commencera la hotte du Père Noël. En attendant, restez bien branchés sur le RQC 95 FM ou rqc.be. On se quitte avec Spiral K. Ciao, ciao les amis. À bientôt. Et donc, la semaine prochaine, la hotte du Père Noël sera ouverte pour vous. Ciao les amis. Tonight you have nothing better to do.